Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Dans le cours précédent, on a fini la lecture du quatrième chapitre sur al-hath ala luzumi s-samt wa hifd al-lisan, sur le fait de garder le silence et de préserver sa langue. Et le chapitre d'aujourd'hui, il est lié au précédent, toujours sur la langue. Lakin sur un point précis. قال رحمه الله ذكر الحث على لزوم الصدق ومجانبة الكذب. Donc c'est toujours lié à la langue. Lakin dans ce chapitre, rahmatullah alayh, il a cité des hadiths et des paroles de savants concernant as-sidq, être véridique, wa mujanabat al-kadhib, et délaisser les mensonges. Fa hadha al-lisan, ce morceau de chair, cette langue, kama taqaddam ma'ana, cette langue peut être très bénéfique pour al-mu'min si il l'utilise fi ta'atillahi azza wa jall, dans l'obéissance d'Allah. Et cette langue, elle peut être très très néfaste pour al-insan si il utilise cette langue fi ma harram Allah. Wa mimma harram Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses que Allah il a interdites, al-kadhib, le mensonge. Et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire des efforts pour accomplir cette chose, c'est la véracité, être véridique. Allah subhanahu wa ta'ala قال وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala قال وَقُلْ أي قُلْ يَا مُحَمَّدْ دِلَهُ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, qu'ils disent un kalam tayyib, al kalam al hasan, être véridique, conseiller, et s'écarter de tout ce qui contredit hada mimma haram Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddam ma'ana anna al insan rendra des comptes. Qala azza wa jalla ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, chaque mot qu'on dit, il est enregistré. Imma pour nous, imma contre nous. Et il akhas, ces deux points qu'on va voir aujourd'hui. As-sidq, être véridique, c'est en faveur de l'insan. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime as-sadiqin. Qala azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu, taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Amara nabi, taqwallah. Il nous a ordonné de le craindre, Azza wa Jal. Et kadalik, amurana, qu'on soit avec as-sadiqin, avec les véridiques. Qala al-imam Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, akhbarani Ahmad Ibn Muhammad Ibn Habib al-Jundi. Ibn Asa, c'est un endroit. Qala haddathana Humayd Ibn Zanjawi. Qala haddathana Muhadir Ibn al-Muwarri'. قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال عبد الله أي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث كما قال في الحاشية أخرجه مسلم وأخرجه البخاري ومسلم dans selon une autre chaîne de transmission. أما هذا الطريق, la première chaîne de transmission qu'on a lu dans notre livre Rawdat al-Uqala, Anil Amash, Cette chaîne de transmission, Muslim, il l'a rapporté كذلك. Et une autre chaîne de transmission, في الصحيحين, عند البخاري ومسلم, من طريق منصور ابن المعتمر, عن أبي وائل عن ابن مسعود, رضي الله عنه. على كل حال, le hadith, il est dans صحيح البخاري et صحيح مسلم, عن عبد الله ابن مسعود, رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق. Et il nous a encouragé, عليه الصلاة والسلام, d'être véridique. Pourquoi? فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Al-Bir, on avait expliqué ce mot, في رسالة التابوكية, c'est un nom, c'est un mot qui englobe tout le bien. قال عز وجل وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Donc Al-Bir, c'est le bien. هذا الصِّدْق, le fait d'être véridique, ça va t'ouvrir des portes pour accomplir le bien. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. Et là, شَكَنَّ Al-Bir, les œuvres de bien, l'amal al-salih, al-ta'at, les obéissances, ça conduit au paradis. وَإِنَّ الرَّجُلْ لَا يَصْدُقْ. هذه العبارة, ça montre أن si cet homme ou cette femme, il s'efforce à être véridique daiman, tout le temps, قَالَ حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Enfin, ce mu'min, il sera enregistré عند الله سبحانه وتعالى يكتب عنده, il sera écrit أنه il fait partie de الصادقين, أي les véridiques. قال وإياكم والكذب. ثم une mise en garde du prophète عليه الصلاة والسلام. إياكم, أي faites attention, écartez-vous de ce péché الكذب, mentir. فإن الكذب يهدي إلى الفجور. Le mensonge, ça ouvre des portes au mal. Al-Fujur, c'est l'inverse de Al-Bir. قَالَ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Et le mal, ça conduit en enfer. قَالَ وَإِنَّ الرَّجُلْ لَيَكْذِبْ. Ça montre كذلك أن si l'insan, il a pour coutume de mentir, ça devient une habitude عنده, يُكْتَبْ حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Il sera écrit أنه il fait partie des menteurs. قال أبو حاتم رحمه الله إن الله جل وعلا فضل اللسان على السائر الجوارح ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين السائر الجوارح بتوحيده. Ça fait partie des mérites, des bienfaits de la langue. إن الله سبحانه وتعالى il a élevé ce morceau de chair, cet organe par rapport aux autres, Anna, c'est avec cette langue que tu prononces Kalimat al-Tawhid. Afdalul Kalam, la meilleure des paroles. Celui qui a haqqaq ce Tawhid, il rentrera au paradis. Celui qui meurt ala hada al-Tawhid, il profitera de al-Shafa'a bi-idnillahi azza wa jal. Celui qui mourra avec hada al-Tawhid, il ne pourra pas rester en enfer éternellement. Abadan. هذا التوحيد, on le prononce avec la langue. قال فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب. كلام جميل. لا ينبغي للعاقل, celui qui réfléchit, le doué de raison, celui que Allah subhanahu wa ta'ala il a guidé, il ne doit pas utiliser هذه الآلة. Al-ala, c'est un outil, quelque chose que tu utilises pour faire une chose. Et cette langue, allati khalaqaha Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour dire du bien, prononcer kalimat al-tawhid, l'utiliser dans le mensonge. Enfin, parmi la reconnaissance, et on doit tous être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé plutôt cette langue. بعض الناس, ils sont éprouvés et ils n'ont pas la faculté de parler. Ils sont muets. Et بعضهم, ils ont perdu la parole à cause d'un accident ou autre ou une maladie. فأنت احمد الله أنك tu parles, c'est une ni'ma azima. كذلك, c'est une des différences entre nous et beaucoup d'autres créatures, comme les animaux, مثلاً, أنهم ils ne parlent pas. Le fait de parler, de communiquer, c'est une ni'ma azima, donc on doit être reconnaissant et ne pas utiliser ce bienfait fi ma harram Allah, en mentant, en parlant sur les autres injustement. قال بل يجب عليه المداومة على رعايته بالصدق. Bah, c'est une obligation pour chacun de nous d'entretenir cette langue en disant que du bien et en disant la vérité. قال وما يعود عليه نفعه في داريه. كذلك أن هذا اللسان c'est un moyen de faire du bien ici-bas et كذلك profiter dans l'au-delà. قال لأن اللسان يقتضي ما عود إن صدقا فصدقا إن صدقا فصدقا وإن كذبا فكذبا. Et ça c'est important. أن اللسان si tu l'habitues cette langue à dire du bien, elle dira du bien. Si tu t'habitues à être véridique, tu diras la vérité. Si tu t'habitues à mentir, ça deviendra une habitude et tu mentiras كثيراً. On doit faire cet effort. On ne doit pas ouvrir هذا الباب, c'est une fitna. Comme les gens, ils ont ouvert cette porte et ils ne peuvent plus se passer du mensonge. لماذا? لأن الشيطان il leur fait croire أنه c'est indispensable. Alors que ce n'est pas indispensable. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné d'être avec les véridiques. Donc ça montre qu'on est capable. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله ولقد أحسن الذي يقول عود لسانك قول الخير تحظى به إن اللسان لما عودت معتاد. Un vers de poésie. طيب. عود لسانك قول الخير تحظى به. أي habitue ta langue à dire du bien. Tu profiteras. C'est toi le principal qui profitera de هذا الكلام الطيب. Et tu feras كذلك profiter les autres. لكن le premier qui profitera c'est toi. قال إن اللسان لما عودت معتاد. Cette langue si tu l'habitues à une chose elle s'habituera. كما تقدم معنا. Si c'est le bien ça sera du bien, si c'est du mal ça sera du mal. ثم قال رحمه الله. On va directement à la page suivante, le athar numéro 127, عن الفضيل ابن عياض رحمه الله. Et يقول أي الفضيل ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق. Allah subhanahu wa ta'ala il aime as-sidq comme taqaddam ma'ana. Et هذه المضغة, المضغة c'est un morceau de chair. فسمن من أحب الجوارح إلى الله سبحانه وتعالى بشرط avec cette condition que هذا اللسان ce sont un lisan صدوق. صدوق ce mot il vient du mot صدق. Et que cette langue elle a l'habitude de dire al-haq. قال وما من مضغة أبغض إلى الله. Allah subhanahu wa ta'ala il déteste ماذا؟ قال من لسان كذوب. Ceux qui mentent, ceux qui utilisent leur langue pour achar, pour le mal, pour mentir, pour médire, pour calomnier, pour se moquer. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى كل شيء يستعار ليتجمل به يسهل وجوده خل اللسان فإنه لا ينبني إلا عن ما عود. صحيح أن اللسان il faut faire un effort. Certaines choses tu peux les embellir بسرعة مع la langue. Si tu ne t'habitues pas, tu ne t'efforces pas à dire la vérité, cette langue elle te trahira كثيرا. Cette langue elle te fera beaucoup de mal. أخي الكريم هذا c'est un jihad عظيم pour chacun de nous. Un jihad de notre nefs est contrôler ce morceau de chair. كما تقدم معنا qui peut conduire l'insan à sa perte. قال والصدق ينجي والكذب يردي. الصدق, être véridique, c'est une cause pour réussir. Et pour être préservé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. والكذب يردي. الكذب, c'est une cause d'être, une cause d'humiliation. في الدنيا والآخرة. Al-Kadhib, le mensonge, c'est une chose qui peut te faire beaucoup de mal. Fid-darin. Qala, wa man ghalaba lisanahu amarahu qawmuh. Wa man akthar al-Kadhib lam yatruk li nafsihi shay'an yusaddaqu bih. Wa la yakdhib illa man hanat alayhi nafsuh. Naam, anna celui qui est connu pour être véridique, qui sera aimé auprès des siens. Les gens lui feront confiance. Amma al-kadhab, celui qui a l'habitude de mentir, fa kama qala al-imam Ibn Hibban rahimahullah, lam yutrak li nafsihi shay'an yusaddaq bih. Les gens, ils le délaisseront. Et même s'il dit la vérité, ahyanan, les gens, ils ne le croiront plus. Limadha li annahu, il est connu pour mentir. قال ولا يكذب إلا من هانت عليه نفسه. الإنسان يجب أن يكون un minimum de fierté, de عزة. أما هكذا se rabaisser, se faire humilier عند الناس à cause de ses mensonges, فهذا لا ينبغي. أولا, on délaisse le mensonge bien sûr لله. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى il a interdit le mensonge. وهكذا أخي الكريم, لا ترضى لنفسك. لا ترضى لنفسك. Tu te fais humilier, rabaisser, rejeter à cause des mensonges. Wahdhar min ash-shaytan. On doit faire attention à cet ennemi. Ash-shaytan, limadha li'annahu il te fera croire que tu as besoin de mentir. Aw kama yaqul ba'd an-nas, tout le monde ment. On a une époque hein, si tu mens pas, tu réussiras pas. Na'oudhu billah. Chaque époque, tu réussiras si tu crains Allah. N'importe quel endroit, n'importe quel moment, si tu veux réussir, crains Allah. Et taqillah, haythuma kunt. Hakada qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala amrana bit taqwa, ya ayyuha alladhina amanu, taqullah. Wa kunu ma'as sadiqin. On doit craindre Allah. Et dire la vérité, où qu'on soit, n'importe quelle époque, c'est valable pour tout le monde. On doit faire attention à ces ambiguïtés. Les al-nawa'd al-nas. À cause de leur faiblesse, à cause de leur manquement, ils n'arrivent pas à se contrôler, ou ils sont touchés par cette maladie, iyadam billah, le fait de mentir. Et ils essayent de trouver des excuses. Si tu veux améliorer ton comportement, akhi al-karim, et ça c'est une nasiha, pour moi bien sûr, awwalan, et pour mes frères, Anna, si tu veux t'améliorer, ne cherche pas d'excuses. Alors, n'essaye pas de remettre la faute sur les autres, là. Personne ne te force à mentir. Si quelqu'un te force à mentir et tu n'as pas le choix, tu es excusé. Ce n'est pas un mensonge. Hukm al-mukrah, il est ma'rouf. Lakin, l'immense majorité des cas, personne ne nous force. Donc, on ne doit pas essayer de trouver des excuses. Mitl al-juhal. Anahum, ils disent, mais tout le monde ment, etc. Là, si tout le monde ment, t'as dit la vérité. Walillahi alhamd, beaucoup de gens, ils disent la vérité. Lakin, al-shaytan, il combat le mu'minin avec ce genre de procédé. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره ثم قال رحمه الله la page suivante وأنشدني منصور ابن محمد الكوريزي كذبت ومن يكذب فإن جزاءه إذا ما أتى بالصدق أن لا يصدق. هكذا ceux qui mentent. Les menteurs parmi les ils sont déjà rétribués في الدنيا avant la mort. Hey, كيف هذا إذا ما أتى بالصدق, quand ils disent la vérité, personne les croit. لماذا لأنهم ils sont connus pour le mensonge. قال إذا عرف الكذاب بالكذب أو بالكذب لم يزل لدى الناس كذابا وإن كان صادقا. Même s'il dit la vérité, il est réputé عند الناس أنه c'est un menteur. Enfin, même s'il dit la vérité, tout le monde croira que c'est un mensonge. قال ومن آفات الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا فقه إذا كان حاذقا. Et ça c'est une مصيبة. أن من آفات الكذاب نسيان كذبه. كم من الناس فضحوا. لماذا لأن le menteur كثيرا il oublie son mensonge. C'est pour ça que si tu ne veux pas te contredire, أخي الكريم, tu ne veux pas te faire rejeter, rabaisser, humilier, dis la vérité. Comme il en a si ment, et vu que c'est un mensonge, il l'oublie rapidement, c'est contraire à la réalité, c'est ça le mensonge. Le mensonge, c'est dire une chose qui est contraire à la réalité. Donc, il en a si ment. Maintenant, il y a un de leurs proches. Ils étaient à tel endroit et c'est un mensonge. Un jour après, ils parlent avec ce même proche et ils disent la vérité. Ils ont oublié le mensonge. C'est une fadiha. Comme il en a si fadiha. Tout le monde, ils essayent de se rattraper, mais j'ai voulu dire, mais en fait, là, il me fait hâte. Et nous, on peut ajouter un point important. L'essentiel, ce n'est pas les gens. Là, les gens, même si Madalani, il s'est contredit à cause de son mensonge. Ah, Obama, tu seras rejeté par un être humain ou critiqué par un être humain. C'est pas ça l'essentiel. Mais c'est grave. Lakin, n'oublie pas un Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Il t'entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu dis, c'est ce que tu penses. قال أبو حاتم رحمه الله لو لم يكن للكذب من الشين الشين c'est quelque chose de mauvais, de قبيح. C'est le contraire de زين, quelque chose qui embellit. قال إلا إنزاله صاحبه بحيث إن صدق لم يصدق لكان الواجب على على الخلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائم. S'il y aurait que cela, sans compter les péchés, sans compter le mensonge, ça peut pousser, ça ouvre les portes du mal, et le mal, ça conduit en enfer. Sans compter tout cela, si, fi al-kadhib, il n'y aurait que ça, annaka, tu te contrediras et tu seras rejeté auprès des autres, ça doit être suffisant pour qu'on délaisse le mensonge. Le mensonge, ça fait partie des grands péchés. Oh là, on doit le délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال وإن من آفة الكذب أن يكون صاحبه نسيا فإنه إذا كان كذلك كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظة وطرفة كما تقدم معنا. Vu que le menteur il peut oublier son mensonge, ça peut être une cause, عياذا بالله, d'humiliation, de contradiction. بل بعضهم, ça les pousse encore à mentir, un autre mensonge. Vu qu'ils se sont contredits, ils ont menti, enfin pour se rattraper, ils mentent. Thumma ils mentent une autre fois. Wa hakada iyadan billah. Qala Abu Hatim rahimahullah. Al-lisan sab'un aqur. As-sab', c'est un animal féroce. As-sab', ma'rouf, les tigres, les lions, etc., les félins. Aqur. Aqur, c'est qui attaque, qui mord. فهذا اللسان سبع عقور. فاحذر de ne pas te faire mordre par ta propre langue. وبعضهم ils ont un lisan عياذا بالله عقور à cause de l'حقد, à cause de la jalousie, à cause de la mauvaise intention, à cause du mauvais comportement. فاحذر أخي الكريم de ne pas te faire du mal avec ta propre langue et كذلك de ne pas faire du mal aux autres. Autre chose, si tu as conscience de ça, cette langue, ta propre langue, elle peut te faire du mal et faire du mal aux autres, ça va te pousser à te contrôler. Pourquoi ? Les annawardanas, ils pensent qu'il n'y a que les autres qui parlent sur les gens. Il n'y a que les autres qui mentent. Il n'y a que les autres qui font du mal. Qu'annahum, ils sont à l'abri. Et se croire à l'abri, c'est min al-khudlan. Si tu te crois à l'abri, i'lam, anna shaytan, il essaye de te faire du mal. Tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Tu n'es pas à l'abri de mentir, de médire, de t'égarer. بل on n'est pas à l'abri de sortir من الإسلام et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala الثبات حتى نلقاه. Celui qui se croit à l'abri, هذا c'est من الخذلان. خذيلة. Celui qui se croit à l'abri, il mettra toujours la faute sur les autres. Celui qui sera à l'abri, qui se croit à l'abri, il ne fera plus d'efforts. Celui qui se croit à l'abri, il accusera toujours les autres. Il est à l'abri. La langue, c'est comme un animal féroce qui attaque, qui mord. Toutes les langues, pas que la langue d'un tel que tu n'aimes pas. Enfin, pour profiter des livres de science, belle pour profiter du Coran, de la Sunna. Ne fais pas l'erreur de croire que certaines choses c'est réservé qu'aux autres et en tu n'es pas concerné là. Daiman quand tu lis ou quand tu écoutes un conseil d'un savant, مثلاً, comme la lecture de ce livre, en premier lieu, essaye de profiter toi et de te remettre en question toi, أولاً. ثم essaye de faire profiter les autres, bien sûr. قال إن ضبطه صاحبه سلم وإن خلى عنه عقر. C'est comme un animal féroce qu'on a dans notre propre bouche. T'amelou. Tu dois le dompter. Cet animal, cette langue. Tu dois le contrôler. Et là, il peut se retourner contre toi. T'as, c'est comme si tu étais dans une pièce avec un animal féroce. Un félin, un lion, un tigre. T'as, comment tu vas faire? À tout moment, il peut t'attaquer. Wallahi, anna hadha lisan, il est akhtar. Léna, si tu te retrouves dans un endroit avec cet animal féroce, il pourra te blesser, te tuer. Et si tu es à la tawhid ou à la sunnah, bi-idhnillah, tu seras mort à la khayr. Et ça durera que quelques instants. Amma hadha lisan, wallah, il peut t'attaquer et te faire perdre ton din. Hadha lisan, il peut t'attaquer de l'intérieur et te faire beaucoup de mal. Te faire perdre tes proches, tes enfants. Tes parents, il a akhri, comme une nas, ils ont tout perdu à cause de leur langue. Leurs parents, ils ne leur parlent plus à cause de leur langue. Falihada, qala, in dhabata. Dhabtulisan, c'est le fait de le maîtriser, le contrôler. Sahibuhu salim. Si tu le contrôles, tu seras préservé du mal de ta langue. Falihada, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ista'adha min shur al-lisan. Bel, il nous a enseigné, fi khutbatil haja. قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك وأعوذ بالله من شرور أنفسنا. On doit demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos propres âmes, nos propres langues, nos propres actions. Ça c'est un dalil. Là on ne doit pas regarder que les autres. كثيراً الإنسان il se fait du mal lui-même. Si tu réfléchis la situation des gens et ta situation, enfin, la plupart des choses c'est à cause de nous-mêmes, c'est pas les autres. قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Tout ce qui vous touche comme musiba. Musiba c'est les malheurs, les épreuves, etc. Tout ce qui nous touche comme mal, c'est à cause de ce que nos mains elles ont fait. Et bien sûr l'ayah c'est pas que sur les mains. Là, que ça soit les mains, que ça soit la bouche, ben al-muhim ay nos propres actions, ce qu'on fait nous, c'est ça qui nous fait du mal. قال وإن خل عنه عقرة. Si tu ne maîtrises pas cette langue, tu ne la contrôles pas, elle te fera du mal. Elle t'attaquera, elle te mordra. قال وبفمه يفتضح الكذوب. بفمه يفتضح الكذوب. كم من الناس فضحوا. Ils ont été humiliés, dévoilés à cause de leur langue. Et bien sûr à cause de leur péché. قال والعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم. نصيحة جميلة. وهذا تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله تعالى encore cette مسألة المهمة الخوض فيما لا نعلم. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. Et attention de ne pas rentrer dans un domaine que tu ne maîtrises pas. لماذا؟ قال فيتهم فيما يعلم. لماذا؟ لأن si tu rentres dans une chose que tu ne maîtrises pas, très vite tu seras dévoilé, démasqué et même plus tard, dans les choses que tu maîtrises, les gens ils ne te feront pas confiance. Et celui qui rentre ou qui veut parler vidinillahi azza wa jal alors qu'il n'a pas la capacité. Fi umur dunya, ça fait beaucoup de mal. Si quelqu'un se fait passer pour un médecin, un docteur, un chirurgien, un dentiste ou autre, alors qu'il ne maîtrise pas son sujet. Lâche qu'il fera du mal. Et c'est déjà arrivé. Mabalouk, celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas, yatakallam fi dinillahi azza wa jal bila ilm, il répond aux questions, il se met en avant, il a akhiré, alors qu'il ne maîtrise pas. Pour maîtriser, il faut apprendre. Comment tu veux maîtriser une chose alors que tu ne l'as pas apprise? Fabard al-Juhal, à notre époque, il se met en avant, wa yakhouboun. Il dirait que la mahl al-ilm il se tairait. Fa, il se ferait pas moins de mal. Lakin, ba'dhum khawd. Ça veut dire quoi le khawd? Khawd, ça veut dire qil wa qal. Ça veut dire un niqash, la polémique. Un tel, il a dit, mais il faut faire. Essayer de toujours trouver quelque chose, il a akhiré. Fahada la shakannahu, il se fera beaucoup de mal. Et on vit à une époque, annahad al-khawd, il est kathir. Fais tout pour ne pas faire partie de Ha'oula al-Kha'idin fil batil. Surtout dans les réseaux sociaux. On a déjà, et on refait la remarque. Tout ce qu'on dit concernant la langue, c'est valable pour ce qu'on écrit avec nos doigts. Naam. Enfin, quand tu écris, tu dois être véridique. Tu dois propager le bien. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas être la cause de la division, etc. Kedhalik, quand tu parles, enfin, tu dois maîtriser ton domaine, le domaine dans lequel tu parles. Amma al-khawt, ou rentrer hakada de salon en salon, de réseau en réseau, compte à compte, ou kalam, ou niqash, et ba'dhum, wallah, yakdhib. Il veut défendre, soi-disant, un avis qui est fondé sur la vérité pour lui, pour le défendre, il ment. Un tel il a dit alors qu'il n'a jamais dit cela. Et ça c'est grave. Que ce soit Kalamullah ou la parole du prophète salam, ou la parole d'un savant, comme lui l'a compris, pas comme la parole elle est. Et ça c'est grave. Les versets du Coran, bien sûr, on n'a pas le droit de les rapporter bil ma'na. Tu dois, si tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu dois citer le verset. Et si tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu cites en arabe. Mais les traductions, Allah, il n'a pas dit ce kalam. Ah, ça, c'est un tambir. Si c'est une traduction précise. Kalam Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on a le droit de le citer. Bil ma'na, et le sens, même si ce n'est pas à la lettre, lakin avec certaines conditions. Parmi les conditions, maîtriser ce domaine du hadith, et connaître la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il rapporte certaines choses, et quand tu reviens à la source, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit cette chose. C'est grave, hein. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Celui qui ment sur le prophète عليه الصلاة والسلام volontairement, qu'il prépare sa place dans le feu. Et là, chacun a cet exemple qu'on vient de donner, Haoula. Ils ne veulent pas mentir sur le prophète عليه الصلاة والسلام, mais ils ouvrent une porte. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك بعضهم il rapporte des paroles de savants. Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Islam Taymiyyah, l'imam Ahmed, il a akhri. Et quand tu vérifies, bel kathir, tu demandes la source, il n'y a pas de source. Et si tu trouves une source, ahyanan, tu trouves que l'imam, il n'a jamais dit cela. Pourquoi? Ça revient à ce point. À ce point, les An-Nalbard, ils sont rentrés dans certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils veulent du bien, ils se précipitent. Et ça les pousse à hada al-khawt. On répète, wal aqil, le doué de raison. La yashtaghil bil khawd fi ma la ya'lam. Si tu ne sais pas, tais-toi. Si tu as des doutes, tais-toi. Fais des efforts. Apprends. Prends ton temps. Maintenant, tu veux rapporter la parole d'un savant, prends ton temps. Pourquoi se précipiter? Tu recopies la parole, tu offres le livre. Mouhim. Tata'akkad. Qala fa yuttaham fi ma ya'lam. Limadha li anna si tu n'es pas sérieux au départ, ça te suivra. Et là, les gens, ils n'auront plus confiance. Tu seras connu, il y en a un tel, il rapporte les paroles, mais les paroles, elles sont tronquées. Les paroles, elles ne sont pas justes, il n'a pas de source, il enlève, il rajoute, il déforme. قال لأن رأس الذنوب الكذب. نعم, رأس الذنوب. رأس, c'est la tête. الذنوب, c'est les péchés. Et parmi les principaux péchés, الكذب. Al-Kadib, ça pousse à beaucoup d'autres péchés. C'est pour ça qu'Al Rasul Kadib. Combien de gens ils ont tué? Ah ouais, ils ont calomnié. Ah ouais, ils ont été injustes. Ah ouais, ils ont volé. Etc. à cause d'un mensonge. C'est pour ça que Al-Kadib, c'est Rasul Dhunub. Et ça pousse à beaucoup d'autres péchés. Bel Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Al-Mushrikoun, ceux qui font du shirk, le plus grave des péchés, il les a appelés menteurs dans beaucoup de versets. قال وهو يبدي الفضائح ويكتم المصائب dans une riwaya al mahasin قال ولا يجب على المرء اذا سمع شيئا بعين بي نعم يعنيه نعم ولا يجب على المرء اذا سمع شيئا يعنيه ان يحدث به لان من حدث عن كل شيء ازرى برايه وافسد صدقه. Un autre point important concernant la langue, ne propage pas tout ce que tu connais. Ne propage pas, ne dis pas tout ce qu'on te dit. Ça, c'est pas min al-hikma. Bel, il a rapporté dans le athar, juste après هذا الكلام, قال عن عبد الله, قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه, قال حزب المؤمن من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. بل جاء حديث dans ce sens في سنن أبي داود الإمام الألباني إلا صحح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كذلك الحديث اللي أخرجه الإمام مسلم dans المقدمة du صحيح. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. Donc c'est quoi le sens de ce hadith? قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا. أي la personne elle suffit ou ça suffit ou نعم elle est considérée mentir quand elle yuhaddith bi kulli ma sami. Si cette personne elle propage, elle dit tout ce qu'elle entend. Ihdhar كثير من الأشياء que tu entends. Et à notre époque qu'on lit encore plus dans ces réseaux, beaucoup c'est des mensonges. Enfin, ne sois pas un shérik avec le menteur. تتعاون معه les rumeurs, etc. On vit une époque là, beaucoup de mensonges. Dans l'actualité des mensonges, concernant la da'wa, beaucoup de mensonges. Dans tous les domaines, là, des mensonges. Fabardoum, ils lisent une chose, ou ils écoutent une chose, ils la propagent comme si c'était une vérité. Ya akhi, taqila bal. Il y a certaines choses, c'est des vérités. Lakin, c'est pas min al-hikma de les propager. À tel moment ou à telle personne. On revient toujours à la même base, l'ilm. Comment savoir que tu peux propager telle chose, amla? Comment savoir qu'un tel il peut comprendre cette parole, amla? Comment savoir si la parole elle-même elle est en concordance avec les textes, amla? Avec l'ilm al-shara'i. Amma, vu qu'on vit à une époque, akthar nas se sont écartés du ilm, et vu qu'on vit dans cette époque où les informations elles se sont multipliées jiddan avec ces nouveaux moyens, s'ils propagent des choses, pour eux c'est clair. Moi, très simplement, tu lui montres qu'il n'y a aucune source, c'est un mensonge. Et ça arrive dans les réseaux, surtout avec les personnalités, les hommes politiques ou autres. Il y a des rumeurs, il a fait, il a dit. Très simplement, il dément. C'est pas lui qui a dit ça, alors que tout le monde croyait que c'était lui. Enfin, fais attention, ne perds pas ton temps. Bardoum, ils sont. C'est leur métier, c'est leur profession. Du matin au soir, des messages. Un tel il a dit, un tel il a fait. Et pardon, vu que l'un c'est très simple, transférer, tout ce qu'ils entendent, ils le transfèrent. Ya akhi, taqillah. Insan, il faut qu'il fasse attention. Encore plus dans le domaine du din. Encore plus. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-salam. ثم قال أبو حاتم رحمه الله الصدق يرفع المرء في الدارين كما أن الكذب يهوي به في الحالين. Tu veux être élevé, أخي الكريم, ici-bas et dans l'au-delà, fais partie des véridiques, sois véridique. كذلك, tu veux éviter d'être rabaissé ici-bas et dans l'au-delà, écarte-toi du mensonge. ثم قال رحمه الله, نعم, le vers de poésie numéro 142. أنشدني محمد بن المنذر ابن سعيد الهروي القول كاللبن المحلوب ليس له رد وكيف يرد الحليب اللبن. C'est ce qu'on a cité dans le dars précédent. القول كاللبن المحلوب ليس له رد. Quand tu parles, c'est exactement comme quand le lait il sort. Mathalan, une bête, qu'on veut retirer son lait, fait le lait, il sort et tu le mets dans un récipient. Ta'ammal. قال, وكيف يرد الحليب اللبن. Est-ce que ce lait peut retourner dans cette bête? Abadan. Il est sorti. Hakada al-kalam. Hakada quand tu parles. Fais attention. Une fois que la parole elle est sortie. Si c'est un bien, tu en profiteras. Alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Si c'est une ambiguïté, un mal, tu peux plus récupérer cette parole. Ben, rien n'est une parole, c'est plus toi qui la contrôle. Là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Lakin, cette kalima, elle se propage. Thumma, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà où tu demandes pardon, voilà où tu t'excuses. Robama, cette kalima, elle se propage. Les gens, ils entendront ce mensonge, ils n'entendront pas ton excuse et ça te fera du mal. Fais attention. قال القول كاللبن المحلوب ليس له رد، وكيف يرد الحليب اللبن في ضرعه، وكذاك القول ليس له في الجوف رد قبيحا كان أو حسنا. ضرعه، الضرع سي لي ماميل دو لا فوميل، une fois que le lait est sorti il ne peut plus revenir. فهكذا الكلام. قال قبيحا كان أو حسنا، que cette parole elle soit bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, il n'y a pas de problème que m'intercadam. Lakin al mushkil, c'est si cette parole, c'est un mensonge ou autre, mais min al muharramat. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل ترك الإغضاء عن تعهد اللسان لأن من كثر كلامه كثر سقطه. Essayez de retenir cette phrase. من كثر كلامه كثر سقطه. Celui qui parle beaucoup, il est exposé à l'erreur. As-saqat, c'est quelque chose qui tombe. Huna al-ma'na, c'est une parole qui peut lui faire du mal. Fa man kathura kalamuhu kathura as-saqatu. Hakada, abstiens-toi d'écrire. Repose-toi. Occupe-toi avec ma yanfa. Plus tu envoies des messages, plus tu parles. Nous, on vit une musiba al-an, anna même avec ces nouveaux moyens, c'est même plus des messages à l'écrit, tu peux même envoyer des messages vocaux. Combien de fitan à cause de ces messages? Pardon, ils se précipitent, ils sont en colère et ils envoient des messages. C'est même plus à l'écrit, hein, à l'écrit. Un message écrit, tu peux l'interpréter de différentes façons. Tu n'entends pas la colère de celui qui l'a écrit. Mouhim, c'est des messages vocaux. Tu l'entends quand il est en colère et il est à akhiri. Pardon, il regrette. Regarde, on doit se maîtriser. Moins tu écris, moins tu parles, moins tu seras exposé à l'erreur. Tu as de l'énergie, tu as de la force, tu as de la colère. Transforme tout ça en positif et mets-le fil ilm. Ouvre le mushaf. On est tous éprouvés. Le téléphone, on l'ouvre plus que le mushaf, que le Coran, le Karim. On passe plus de temps, pour certains, sur les réseaux que à étudier l'ilm. Enfin, cette énergie, essaye de la canaliser et de la mettre fil ilm. Et abstiens-toi. Si tu es occupé, tu n'auras pas le temps de parler. C'est pour ça que أقل الناس كلاما à notre époque c'est qui? C'est les ulama wa talabat al-ilm. Est-ce que tu as déjà vu un savant de la sunna perdre son temps et niqash et jidal dans les réseaux sociaux? Abadan. Le savant, hélan, tu as du mal à le contacter tellement qu'il est dans son environnement, dans l'ilm. Wa hakada talabat al-ilm al-akhyar. Qala rahimahullah والسقط ربما تعدى غيره فيهلكه في ورطة لا حيلة له في التخلص منها. صحيح أحيانا une parole elle peut le faire tomber, بل le conduire à sa perte. Et le mettre dans une affaire, il ne peut plus s'en sortir. إلا أن يشاء الله. À cause d'une parole. بعضهم ils se font du mal. مثلا une parole, ils contredisent la voix de la sunna et critiquent les gouverneurs sur les réseaux sociaux. Une parole. Ça va très très vite. Thumma la prison, thumma kada, une parole. Men, qui c'est qui t'a autorisé à parler, à critiquer les gouverneurs? Men, dans notre din c'est interdit. Naam, même s'ils font des mauvaises choses, t'as pas à critiquer, patiente. Tu peux conseiller. Et ton haq tu le demanderas, yawm al-qiyama, comme akhbar al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Léna, les critiquer, ça va ouvrir des portes de shur. Ça ne veut pas dire que un sunni, il a la conviction, ou il pense que ce gouverneur, il est infaillible, il fait que du bien. Abadan, on est tous des êtres humains, on fait tous du mal. Lakin, critiquer le gouverneur, il y a un shur azim. Abadanas, il se laisse aller sur les réseaux. Thumma, awalan, ils ont contredit la vérité. Thumma, ils se font du mal. La prison, wa kam tab. Pourquoi tout cela? Ils ne savent pas retenir leur langue et leurs doigts. Qala, rahimahullah. لأن اللسان لا يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع به وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع للأبعد مدة طويلة ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة. تقدم معنا أن cette langue c'est comme un animal féroce. Cette langue c'est comme une arme. Et cette langue elle peut blesser, كما قال ابن حبان رحمه الله, elle peut blesser des cœurs de croyants. Et cette blessure, Hyanan, elle met du temps à se refermer. Hyanan, elle ne se referme pas à cause d'une parole. Même si tu t'excuses. Même si tu t'excuses, tu l'as blessé, Obama, il n'a pas la force d'accepter tes excuses. Et ça cause la division. On doit tous craindre Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن الناس من لا يكرم إلا للسانه ولا يهان إلا به. فالواجب على العاقل أن لا يكون ممن يهان به. صحيح. لأن le physique عند المؤمنين c'est pas l'essentiel. Le physique, Allah t'a créé petit, grand, de telle couleur. On ne peut pas faire d'effort pour changer cela. Enfin, c'est quoi qui nous différencie? Bien sûr, c'est nos œuvres. Et parmi nos œuvres, c'est ce qu'on dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il les élève avec leur langue, avec ce qu'ils disent. Tu as un exemple avec les savants, maintenant. Et d'autres, ils sont rabaissés à cause de leur langue. Les menteurs, ceux qui font de la calomnie, qui se moquent, ils sont rabaissés. Inda ibadillah azza wa jal. Enfin, ne fais pas partie de ceux. Comme a dit Ibn Hibban, rahimahullah. Al-aqil, al-wajib al-aqil, an-la yakun mimman yuhan bih. Al-aqil, vu que tu as ces deux choix, imma être élevé avec ta langue, imma être rabaissé. Enfin, al-aqil, il fait le choix d'être élevé, pas d'être rabaissé, par sa propre langue. والله المستعان ثم قال رحمه الله ينفني avec le dernier أثر إلى ست الإسناد عن ابن سيرين رحمه الله الإمام محمد من أئمة السنة قال الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف الكلام أوسع من أن يكذب فيه ظريف qu'est-ce que ça veut dire هذا ça veut dire que tu n'as pas besoin de mentir. Pourquoi Pourquoi mentir alors que tu as énormément de moyens de dire la vérité? On cite un mithal. Ben, c'est une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Ils lui ont posé la question concernant al-ma'arid. Al-ma'arid, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser. Une formulation de phrase, c'est la vérité, ou tu vas faire, tu vas, non, c'est pas un mensonge, mais tu vas utiliser cette phrase pour faire croire à celui qui t'entend autre chose. Alors Obama, c'est pas assez clair, on cite un mithal. Cheikh Ibn Baz, il a cité comme exemple, Wahid, il te demande, est-ce que un tel, il est chez toi? Et tu sais que cette personne, c'est une mauvaise fréquentation. Mathalan, ton enfant. Et tu sais que cette personne qui cherche ton enfant, c'est qu'une cause de problème. Et Anta, tu veux préserver ton enfant. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu n'as pas besoin de mentir. Pourquoi? Parce que, comme a dit Ibn Sirin, al-kalam awsa' min an yakdhiba fihi dharif. Tu as des moyens de le repousser, repousser son mal en disant la vérité. Mathalan, s'il te demande. Cet homme qui est connu dans le quartier pour être mauvais, etc., il te demande, est-ce que ton enfant, il est chez toi? Anta, tu n'as pas besoin de dire, mon enfant, il est parti dans telle ville. Alors que c'est pas vrai, il est chez toi. Maintenant, tu veux lui faire croire qu'il a voyagé. Là, c'est un mensonge, il n'a pas voyagé. Enfin, al-kalam, il est aussi, tu as le choix. Maintenant, قال, Cheikh Ibn Baz, comment faire dans ce cas-là? قال, تقول, Wallahi ma huwa indi. Tu lui dis là, il n'est pas auprès de moi. Ça veut dire quoi? Il n'est pas en arabe, c'est Allah alam, c'est plus explicite. Ma huwa indi, il n'est pas auprès de moi en arabe. Il n'est pas chez moi. Ay anta taniya, c'est il n'est pas indi, il n'est pas à côté de moi l'an. Il n'est pas à côté de moi l'an. Peut-être qu'il est au deuxième étage, peut-être qu'il est dans la cuisine. Voilà, c'est permis. Ce n'est pas un mensonge, ça s'appelle al-ma'arid. Tu fais croire à ton interlocuteur autre chose que la parole que tu dis. Ou il pense quand tu vas lui répondre, ma huwa indi, il va penser, khalas, il n'est pas à la maison. Et il va partir. Tu vas préserver ton enfant, tu vas préserver ta langue. Ah, ben c'est très très important. Et al-ulama, ils ont détaillé ce sujet avec l'histoire de Ibrahim, alayhi salam, avec sa sœur, il a akhiré. Ça arrive souvent pour repousser Ahl al-Batil, pour repousser quelqu'un qui veut faire du mal, pour repousser quelqu'un qui t'accuse, pour repousser beaucoup de choses. Si tu dis la vérité clairement, ça peut te faire du mal. Enfin, Tu emploies هذه المعاريض sans mentir et en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, on peut terminer avec une autre mas'ala. بعض الناس, ils pensent que الكذب عند المزاح, c'est pas grave. المزاح, c'est plaisanter. فبعضهم, ils pensent que l'interdiction, c'est que le fait de mentir sérieusement. أما en plaisantant, c'est permis. هذا لا شك que c'est خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. الحديث حسنه وبعض العلماء. Certains savants, ils ont rendu ce hadith حسن. Mais il y a certaines chaînes de transmission فيها ضعف. ومن هؤلاء qui l'ont rendu حسن, الإمام الألباني رحمه الله. ويل ويل, ils traduisent par malheur. Malheur à qui? À ceux يحدث فيكذب. Pourquoi il ment? Pourquoi ils disent des mensonges? ليضحك به القوم, pour faire rire les autres. ويل له ويل له, هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, deux fois, بل trois fois avec la première. Et هذا c'est pas شأن العقلاء, se faire du mal, faire des grands péchés pour que les gens y rient. Aujourd'hui tu vas faire rire les gens, demain ils te critiqueront. Enfin, notre objectif, ça doit être de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, pas de faire rire les autres. في الحديث الآخر, حديث أبي أمامة رضي الله عنه, النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم, أي je garantis بإذن الله عز وجل, une maison في ربض الجنة, au milieu du paradis, pour celui qui délaisse la polémique, même si c'est lui qui a la vérité. Il sait qu'il a la vérité, il sait que l'autre il parle bilaïn, lakin il délaisse la polémique lillah. هذا, il aura une maison au milieu du paradis. قال وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. كذلك, celui qui délaisse le mensonge même en plaisantant. الحديث رواه أبو داود الإمام الألباني إلا حسن. Ils ont posé la question à اللجنة الدائمة عن الكذب حال المزاح. Est-ce que c'est halal ou haram? Ils ont répondu, non, c'est haram. بل كبيرة من كبائر الذنوب ولو كان مزحا. بل, ça fait partie des grands péchés, même si c'est pour plaisanter. Et عياذا بالله, à notre époque, c'est devenu une profession. Les humoristes, ils font rire en mentant. Tous leurs sketchs, c'est du kadib. Ils se mettent en scène, il a, c'est que du kadib, عياذا بالله. Et si c'est la vérité, c'est pour se moquer des autres. فلنحذر من هذا. نحذر من هذا. Et on ne tend pas l'oreille à هؤلاء. Et on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fait des efforts pour maîtriser cette langue. Et parmi les efforts très très profitables, c'est الدعاء. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Un homme, il est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam. Et il lui a demandé... عمل نتشبث به. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a'mal, il y a beaucoup de choses à faire, enfin, donne-moi une chose, une œuvre que je m'accroche et qui va lui être profitable, qui lui sera profitable fi dunya et dans l'au-delà. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, la yazal lisanuka ratban bi dhikrillah. On doit attendrir cette langue avec le dhikr, avec la lecture du Coran. Les Anna, vous avez remarqué qu'encore plus à notre époque, on ne pourra pas toujours garder le silence, ce n'est pas possible. Enfin, si cette langue elle n'est pas utilisée fi ta'atillah, elle sera utilisée fi maharram Allah. C'est pour ça qu'on doit faire attention, faire des efforts et nous occuper. Les Anna, les Anna, ceux qui font de la médisance, qui parlent sur les gens matin et soir, ceux qui mentent, il a arrêté, c'est des gens qui n'ont rien à faire. Wallahi, celui qui est occupé, tu trouves même Ba'd al-Kuffar. Des ennemis de l'islam, des kafaras, et tu les trouves, ils mentent pas. Illa qalilan. Les mains d'Ali, ils sont occupés, tu les trouves, pardon, ils sont passionnés d'une chose, fit dunya, du matin au soir, il n'a pas le temps de parler sur les autres, de mentir. Il est occupé 100% dans cette chose. Fa'anta, occupe-toi bima yanfa. Bil ilm, bil amal salih. Occupe-toi de tes propres uyoub. On a beaucoup de péchés, chacun de nous a des manquements, occupe-toi de toi-même. Essaie de te corriger toi-même. Et kadhalik, on fait attention à cette fitna des réseaux sociaux. Fais attention à ce téléphone. Si cette langue, les ulama, ils l'ont qualifiée de sabou'un aqour, qu'est-ce qu'on va dire de ce téléphone? Wallahi, ce téléphone, il est aussi dangereux qu'une bombe que tu as entre les mains. Pour toi ou contre toi? Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sabat. Et on passe à la lecture de la fatwa, inshallah ta'ala.